La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous. Vous êtes sur la radio des bons coups pour la bonne lecture du soir. Et si vous avez été un élève assidu à cette chronique, vous savez qu'hier nous avons terminé avec ce magnifique chapitre 5, la première partie de notre livre Christmas Pudding d'Agatha Christie avec notre cher ami Hercule Poirot. Et nous allons donc ce soir entamer la deuxième partie du livre qui s'appelle Le retour d'Hercule Poirot. Lily Margrave lissait avec soin ses gants qu'elle avait étalés sur ses genoux. On la sentait nerveuse. Elle jeta un rapide coup d'œil au personnage assis en face d'elle dans un grand fauteuil. Elle avait entendu parler de M. Hercule Poirot, le célèbre détective, mais elle le voyait pour la première fois en chair et en os. Son aspect comique, presque ridicule, ne correspondait guère à l'idée qu'elle s'était faite de lui. Comment ce drôle de petit homme, avec sa tête en forme d'œuf et ses énormes moustaches, accomplissait-il des choses extraordinaires qu'on lui attribuait ? Le jeu même auquel il se livrait, tout en l'écoutant parler, frappa Lily par son invraisemblable puérilité. Il empilait, les uns sur les autres, des petits cubes de bois de couleurs différentes et semblait beaucoup plus intéressé par le résultat obtenu que par ce qu'elle lui racontait. Elle se tut soudain et il leva brusquement la tête. « Continuez, mademoiselle, je vous en prie. Ne croyez pas que je sois distrait. Je vous suis, au contraire, avec beaucoup d'attention. » Il se remit à ses constructions tandis qu'elle reprenait son récit. C'était celui d'une tragédie bouleversante, mais rapportée en termes d'une telle concision par une voix si calme qu'il n'y restait, pour ainsi dire, rien d'humain. Quand elle eut fini, elle dit « J'espère vous avoir tout exposé avec clarté. » Poirot approuva d'un hochement de tête, éparpilla sur la table ses cubes de bois, puis se redressant dans son fauteuil, les mains réunies par les extrémités des doigts, il récapitula. « Sir Reuben Astwell a été assassiné il y a 10 jours. Or, mercredi, c'est-à-dire avant-hier, la police a arrêté son neveu, Charles Leverson. Les charges contre celui-ci sont les suivantes, et reprenez-moi si je me trompe. Il y a 10 jours, la nuit du crime, M. Leverson est rentré très tard. Il avait ouvert la porte avec son passe-partout. Sir Reuben travaillait encore. Seul dans ce qu'il appelait son sanctuaire, la salle de la tour, il écrivait à son bureau. Le maître d'hôtel, dont la chambre se trouve directement au-dessous de la salle de la tour, a entendu Leverson se disputer avec son oncle. Un bruit sourd comme celui d'un siège renversé, suivi d'un cri étouffé, a marqué la fin de la querelle. Inquiet et bouleversé, le maître d'hôtel allait monter voir ce qu'il se passait. Mais quelques secondes plus tard, comme M. Leverson quittait la salle de la tour en sifflant gaiement, il n'a plus attaché d'importance à ce qu'il venait d'entendre. Le lendemain matin, pourtant, une jeune femme de chambre trouvait Sir Reuben mort à côté de son bureau. On l'avait assassiné avec un objet pesant. Je crois comprendre que le maître d'hôtel n'a d'abord rien dit à la police. Il me semble que c'était naturel. Vous ne trouvez pas, mademoiselle ? Cette question fit sursauter Lily. Pardon, dit-elle ? On cherche quelque chose d'humain dans une affaire comme celle-là. À vous entendre l'exposer, si remarquablement, avec une telle sobriété, j'avais l'impression que les acteurs de ce drame n'étaient que des automates, des marionnettes. Mais moi, je cherche toujours la nature humaine. Et je me dis que ce maître d'hôtel... Comment m'avez-vous dit qu'il s'appelle ? Parson. Oui, ce Parson a forcément les caractéristiques de sa classe. Il redoute particulièrement la police et les policiers. Et il leur en dit le moins possible. Par-dessus tout, il évitera de dire quoi que ce soit qui pourrait avoir l'air de porter tort à quelqu'un de la famille. Un cambrioleur, oui, c'est une bonne idée, et il s'y cramponnera avec toute l'énergie dont il est capable. Voyez-vous, les formes que peut prendre la loyauté des serviteurs sont intéressantes à étudier. Poirot était enchanté. Il se renversa contre le dossier de son fauteuil. En attendant, continua-t-il, les habitants de la maison, hommes et femmes, ont tous exposé leur version du crime. Monsieur Leverson, comme les autres, à l'entendre, il serait rentré tard et serait allé se coucher sans monter voir son oncle. C'est ce qu'il a dit. Et personne n'a pensé à en douter. Sauf Parson, naturellement, poursuivit Poirot d'un air méditatif. C'est alors qu'arrive un inspecteur de Scotland. L'inspecteur Miller, n'est-ce pas ? Je le connais, je l'ai rencontré une ou deux fois déjà. C'est le type astucieux, le vrai furet. Et cet astucieux inspecteur Miller voit tout de suite ce que l'inspecteur de la police locale n'a pas vu. C'est que personne n'est pas dans son assiette, qu'il sait évidemment quelque chose qu'il n'a pas dit. Miller a vite fait de confesser personne. À ce moment, il était déjà clairement prouvé qu'aucun étranger n'avait pénétré dans la maison et qu'il fallait chercher le meurtrier sur place. Parson, terrorisé, misérable, a éprouvé un vrai soulagement quand on lui a extirpé son secret. Il a fait de son mieux pour éviter le scandale, mais tout a des limites. L'inspecteur Miller écoute donc Parson, pose quelques questions, procède à quelques investigations personnelles et échafaude une accusation convaincante, extrêmement convaincante. On trouve dans la salle de la tour la trace de doigts sanglants sur le coin du coffre et les empreintes relevées sont celles de Charles Leverson. Une femme de chambre dit à l'inspecteur qu'en faisant la chambre de M. Leverson le lendemain du crime, elle a vidé une cuvette pleine d'eau teintée de sang. Il lui a bien expliqué qu'il s'était coupé au doigt, mais cette coupure se voyait à peine. Le poignet de la chemise qu'il portait la veille au soir avait été lavé, mais à l'intérieur d'une des manches de sa veste, on a trouvé du sang. Il était très à court d'argent et devait hériter des sommes importantes à la mort de Sir Robin. Tout cela est très convaincant, mademoiselle. Et pourtant, vous venez me trouver. Lily haussa les épaules. Comme je vous l'ai dit, monsieur Poirot, c'est Lady Astwell qui m'envoie. Vous ne seriez pas venu de vous-même, non ? Le petit Belge la regarda bien en face. Elle resta silencieuse. Vous ne répondez pas à ma question ? Lily se remit à lisser ses gants. Ça m'est assez difficile. Je tiens à être loyale envers Lady Astwell. Je ne suis qu'une dame de compagnie rétribuée, mais elle m'a toujours traitée beaucoup plus comme une fille ou une nièce que comme une salariée. Elle a toujours été extraordinairement bonne pour moi. Je ne voudrais pas avoir l'air de critiquer sa façon d'agir ou, enfin, susciter en vous un préjugé qui vous empêcherait de vous intéresser à cette affaire. Hercule Poirot est inaccessible aux préjugés, déclara le fameux détective d'un air satisfait et absolument convaincu. Je crois comprendre que vous trouvez Lady Astwell un peu étrange, avouez-le. Je dois dire, parlez sans crainte, mademoiselle. Je trouve tout cela absurde. C'est là votre manière de voir. Je ne veux rien dire contre Lady Astwell. Je comprends, dit Poirot. Et du regard, il invitait la jeune fille à parler. C'est vraiment une excellente créature, exceptionnellement bonne, mais elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'a pas d'instruction. Vous savez qu'elle était actrice lorsque Sir Robin l'a épousée. Elle est imbue de toutes sortes de préventions, de superstitions. Quand elle a dit quelque chose, il n'y a pas à discuter, c'est ça. Elle ne veut même pas entendre ce qu'on lui dit. L'inspecteur n'a pas été très adroit avec elle. Il l'a exaspérée. Elle affirme qu'il est stupide de soupçonner M. Leverson, que c'est bien le genre d'idiotie dont la police est coutumière et que, bien entendu, ce ne peut être ce cher Charles le coupable. Mais elle n'a aucun argument à faire valoir. Aucun. Je lui ai répété qu'il était inutile de venir vous trouver avec une affirmation comme celle-là, sans rien qui la justifie. Vous lui avez dit ça ? Voilà qui est intéressant. D'un rapide coup d'œil, Poirot enregistra l'image de son interlocutrice. Le tailleur noir, bien coupé, la note de lingerie à l'encolure, le petit chapeau noir si saillant. Il remarqua son élégance, son joli visage au menton un peu pointu, ses yeux bleus, ses cils très longs. Insensiblement, il sentit son attitude se modifier. Il s'intéressait maintenant davantage à cette jeune femme qu'à l'affaire qui l'amenait chez lui. « Je croirais volontiers, mademoiselle, que Lady Astwell est un peu trop émotive, pas tout à fait équilibrée. » Lily Margrave fit un signe affirmatif. « C'est exactement ça. Comme je vous l'ai dit, elle est extrêmement bonne, mais il est impossible de discuter avec elle ou de lui faire considérer les choses d'un point de vue logique. » Peut-être soupçonne-t-elle personnellement quelqu'un d'invraisemblable, dit Poirot. Mais justement, s'écria Lily. Elle a pris en grippe le malheureux secrétaire de Sir Ruben. Elle prétend qu'elle sait que c'est lui l'assassin, bien qu'il ait été démontré de façon absolue que le pauvre Owen Trefusis ne peut pas avoir commis ce crime. Et elle n'a pas de raison de l'accuser ? Aucune. Mais pour elle, seule l'intuition compte, dit Lily d'un ton dédaigneux. Et vous, mademoiselle ? « Vous ne croyez pas à l'intuition, » dit Poirot en souriant. « Pour moi, c'est de la sottise. » Poirot se redressa dans son fauteuil. « Les femmes, » murmura-t-il. « Elles sont contentes de se figurer que c'est une arme spéciale dont le bon Dieu les a gratifiées. Et 9 fois sur 10, l'intuition ne fait que les égarer. » « Je le sais, » dit Lily, je vous ai dépeint Lady Astwell, il est absolument impossible de lui faire entendre raison. Et c'est pourquoi, mademoiselle, vous qui êtes raisonnable et discrète, vous êtes venue me trouver, comme elle vous l'avait dit, et vous vous êtes arrangée pour me mettre au courant de la situation. Lily leva brusquement la tête, surprise par le ton qu'avait pris Poirot. Elle s'excusa. « Bien sûr, je sais à quel point vos instants sont précieux. »« Vous me flattez, mademoiselle. Pourtant, il est exact que j'ai en ce moment plusieurs affaires très importantes sur les bras. »« C'est ce que je craignais, » dit-elle en se levant. « Je dirais à Lady Astwell, loin de se lever, Poirot se carra dans son fauteuil et regarda la jeune fille bien en face. « Vous êtes bien pressée de partir, mademoiselle. Restez encore un instant. » Lydie rougit et se rassit évidemment à regret. « Mademoiselle, vous êtes vive et décidée. Excusez le vieil homme que je suis et qui pense et agit lentement. Vous vous êtes méprise sur mes intentions. Je n'ai jamais dit que je n'irais pas voir Lady Astwell. Alors vous viendrez ?» Elle avait dit cela sans entrain, les yeux fixés sur le tapis et n'eut pas conscience de l'attention extrême avec laquelle Poirot l'examinait. « Dites à Lady Astwell que je suis à son entière disposition. J'arriverai à mon repos, c'est bien le nom de la propriété, cet après-midi. » Il se leva et Lily en fit autant. « Je lui dirai, c'est très aimable de votre part, monsieur Poirot. Je crains pourtant que vous ne vous trouviez entraîné dans une aventure chimérique. C'est fort probable, mais qui sait ?» Avec une parfaite courtoisie, il accompagna sa visiteuse jusqu'à la porte. Puis il retourna à pas lents dans son cabinet, s'assit le front barré d'un pli profond et resta plongé dans ses pensées. Enfin, il entr'ouvrit la porte et appela son domestique. Et c'est ici que se termine la première partie de notre deuxième partie de ce livre Christmas Pudding. Je vous dis à demain pour la suite. Bonne soirée. La lecture du soir sur la radio des bons coins. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir et bienvenue dans cette sixième chronique de lecture nocturne. La dernière fois, on s'était quitté en pleine scène de tension. Alex Blocker avait enfin compris que Cory était son fils et avait décidé de confronter Messi à ce sujet. Je sais que depuis, vous êtes sur les charbons ardents tant le suspect est insoutenable. Alors, sans plus tarder, on se replonge dans l'histoire. Je pensais que cela ne t'intéresserait pas, murmura Messi. Que cela ne m'intéresserait pas ? S'indigna Alex. Comment cela ? Je t'avais dit de m'appeler s'il y avait un problème. J'avais un enfant, j'étais capable de subvenir à ses besoins, donc il n'y avait aucun problème, martela Messi, enfonçant ses mains dans les poches de sa blouse blanche. De toute façon, tu avais été très clair. Tu ne reviendrais à Lindenville qu'entre quatre planches, comme CG. Moi, je vis ici. Et Cory aussi. Et apparemment, je ne t'intéressais pas assez pour que tu cherches à savoir ce que je devenais. Comme excuse, il va falloir trouver mieux. Assez ! Tu ne comprends pas. Tu es comme tous les autres hommes sur lesquels j'ai compté dans ma vie, répliqua Messi. Jamais là quand j'avais besoin d'eux. Mon père avait promis qu'il trouverait un bon travail dans le Nord et qu'il reviendrait nous chercher. Il ne l'a jamais fait. CG disait qu'il trouverait un moyen de s'occuper de moi. Mais il m'a laissé. Toi, tu détestais cette ville. Pourquoi aurais-je plus compté sur toi que sur mon père ou sur mon frère? Pour l'amour du ciel, CG est mort. Il n'a pas demandé que l'hélicoptère s'écrase. Il n'avait pas choisi. Cela n'a rien à voir avec toi. Et moi, je serais venu immédiatement si j'avais su que j'avais un fils. Quant à ton père, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Il y a une foule de raisons possibles pour expliquer son silence. Qu'est-ce que ça change maintenant? J'étais seule, j'ai dû apprendre à me débrouiller. Il ne me restait personne sur qui compter à part ma tante Ernestine. Et puis elle est morte, elle aussi. Ce jour-là avait été l'un des plus terribles de sa vie. Malgré son diplôme de médecin, Messi n'avait pas su sauver sa tante qu'elle aimait tendrement, la seule personne qui ne l'avait jamais abandonnée. Elle n'était pas cancérologue et tante Ernestine avait trop attendu avant de consulter le spécialiste qu'elle lui avait recommandé. Mais Alex était trop furieux pour rester une seconde de plus à écouter les piètres excuses de Macy. Il tourna les talons, déverrouilla la porte et sortit. « Nous n'en avons pas fini, toi et moi, » murmura-t-il. Il claqua la porte derrière lui et descendit en courant les marches du perron. Mais au lieu de regagner sa voiture, il décida d'aller courir. S'il ne trouvait pas un moyen d'apaiser un peu cette tension qui bouillait en lui, il allait exploser. Cory était son fils. Tout en courant, il essaya de réfléchir. Après 13 ans dans l'armée de l'air, il se considérait comme le sergent-chef bloqueur, parachutiste plusieurs fois décoré. Il avait encore du mal à accepter que cette période de sa vie soit terminée. Il tentait d'intégrer Alex Bloqueur, recruteur et bientôt civil. Et maintenant, il devait s'adapter à une autre identité, celle de père. L'esprit brouillé par tous ces événements qui le déstabilisaient, Alex accéléra l'allure. Après de longues minutes d'indécision, Macy décida qu'il fallait terminer cette conversation dans le calme. N'ayant pas entendu démarrer le 4x4 d'Alex, elle se dit qu'il était toujours là, peut-être en train de se calmer assis dans sa voiture. Mais en sortant, elle le vit qui s'éloignait, courant à grande foulée. Elle poussa un profond soupir. Peut-être que, quand il reviendrait, il aurait repris ses esprits, pensa-t-elle en verrouillant à double tour la porte du dispensaire. Et s'il ne s'était pas calmé, mieux valait l'éviter quelque temps. Elle monta dans sa voiture, roula jusqu'à la maison de Willadin et entra en hâte. « Cory, tu es prêt ? Nous rentrons !» Elle savait que Willadin allait lui poser des questions, mais elle espérait y échapper, au moins pour ce soir. Elle souhaitait d'abord réfléchir à tout cela d'une manière approfondie. Et de toute façon, elle devait des explications à Alex avant de parler à sa grand-mère. « Pourquoi es-tu si pressée, Messi ?» s'inquiéta Willadin. « On a fait des cookies, maman !» s'écria Cory. « Et on les a goûtés avec oncle Alex. Ils étaient drôlement beaux. Je voudrais emmener Cory au cinéma. Il y a un film de Disney qui passe à Darlington. Remercie grand-mère pour les cookies, Cory. Et ensuite, nous partirons vite. Ou sinon, nous serons en retard pour le cinéma. » débita Macy d'une voix qu'elle espérait naturelle, tout en évitant le regard de Willadin qu'elle sentait poser sur elle. Et je suis pressée car je ne veux pas croiser Alex, qui est dans une colère noire après moi, se garda-t-elle d'ajouter. « Merci pour les cookies, grand-mère !» répéta consciencieusement le petit garçon. « C'est quel film, moi ?»« J'ai oublié le titre. Tu sais, celui que tu voulais absolument voir ?» répondit Macy, les pensées en tumulte et en embrassant distraitement Willadin. « Super !» s'exclama Cory, se laissant entraîner docilement vers la porte. Ce n'est qu'une fois installée dans la voiture avec son fils qu'elle sentit avec soulagement son cœur reprendre un rythme normal. Alex courut jusqu'à l'épuisement. Son genou le faisait terriblement souffrir, mais la douleur ne l'empêchait pas de penser à la trahison de Messi. Comment avait-elle pu imaginer qu'il ne s'intéresserait pas à son fils? Mais quelle opinion avait-elle de lui? Elle lui avait menti pendant 5 longues années. De leur merveilleuse nuit était né un enfant. Mais cela ne signifiait rien pour elle, puisqu'elle n'avait jamais pris la peine de lui en parler. Alors que lui, pendant 5 ans, pourrait-il lui faire confiance à présent? N'avait-elle pas irrémédiablement brisé quelque chose entre eux? Il avait un fils. Il avait manqué 4 années de la vie de Cory parce que Messi avait cru qu'il ne porterait aucun intérêt à l'enfant. Quelle image avait-il donné de lui pour que la jeune femme agisse de la sorte? Il ralentit l'allure et reprit la direction du dispensaire, essayant de calmer son corps brûlant après l'effort, les nerfs toujours tendus à l'extrême. Le manque de confiance de Messi à son égard avait sûrement un rapport avec l'abandon de Corny, son père, que la jeune femme avait évoqué lors de leur violente discussion. Cory était un diminutif. Il avait entendu Messi appeler son fils Cornelius. Il n'était donc pas si fâché contre son père si elle avait donné à son enfant son prénom. Il avait connu Cornelius Jackson, Corny. Il avait gardé de lui le souvenir d'un homme droit. S'il n'était jamais revenu chercher sa famille, c'était sans doute parce qu'il avait eu une bonne raison. Peut-être que, si Messi connaissait cette raison, elle changerait d'opinion sur les hommes. Alex savait qui pourrait éclaircir ce mystère. Larsen, un de ses compagnons, avait épousé une femme qui travaillait pour une agence de détectives en Floride. Jennifer Larsen saurait comment et où chercher. Pour l'instant, il allait rentrer, prendre une douche fraîche, enfiler des vêtements secs et voir ce que grand-mère pourrait lui apprendre sur Cory, Messi et Cornelius Jackson. Cette décision eut pour effet de le calmer quelque peu. Il était un homme d'action, il allait agir. Comme il s'y attendait, grand-mère le héla à l'instant précis où il passait en catimini devant la porte de la cuisine. « Alex, que s'est-il passé ? Messie est arrivée en courant et elle a emmené Cory comme si elle avait le diable à ses trousses. »« Ce n'était pas le diable. Ce n'était que moi. » J'attends toujours qu'elle me fournisse une explication satisfaisante. Et je pense que je l'obtiendrai. Pour l'instant, j'aimerais surtout une douche et des vêtements secs. 10 minutes plus tard, vêtu d'un pantalon et d'une chemise propre, il retourna dans la cuisine pour affronter Willadine. « Je suis prêt, grand-mère. Feu à volonté. »« Eh bien, vois-tu, je crois savoir comment les bébés viennent au monde. Mais dans ton cas, je ne sais pas comment Cory est arrivé. À Lindenville, on ne vous a jamais beaucoup vu ensemble, Messie et toi. » Alex inspira profondément. « Ce n'est arrivé qu'une fois, » répondit-il. « Cela s'est passé quand j'étais basé à Pop, et que CG se trouvait à Fort Bragg. Nous avions chacun un appartement à Fayetteville, et nous allions souvent l'un chez l'autre. Alors nous avions les clés des deux appartements. Quelques jours après la mort de CG, je suis allé chez lui, pour m'occuper de ses affaires qu'il fallait envoyer à sa famille. Quand je suis arrivé, Messie était déjà là. » Il s'interrompit un instant, submergé par le souvenir de cette nuit terrible. Même après 5 ans, le souvenir demeurait étonnamment douloureux. CG et lui avaient été aussi proches que deux frères, peut-être plus proches encore, et sa mort l'avait douloureusement marqué. Elle était désespérée d'avoir perdu CG, et surprise par mon arrivée. Je pense qu'elle ne savait plus très bien ce qu'elle faisait. Je l'ai serrée dans mes bras pour la réconforter. Elle tremblait de tout son corps, et moi je voulais soulager sa peine, mais je ne savais pas comment. Ensuite, je me souviens que nous nous sommes embrassés et nous avons fait un bébé. « Et tu n'avais bien sûr pris aucune précaution ?» demanda grand-mère l'air sévère. « J'aurais dû, mais nous étions aussi tristes l'un que l'autre et, dans le feu de l'action, quand nous avons repris nos esprits, nous en avons parlé. Nous avons échangé nos coordonnées et je lui ai dit de m'appeler en cas de problème. Comme elle n'a jamais appelé, j'ai supposé que tout allait bien. « Et toi, tu n'as jamais pensé à l'appeler ?» Il y avait pensé, souvent. Combien de fois avait-il décroché son téléphone pour se raviser à la dernière minute ?« Non, je n'y ai pas pensé, » mentit-il. « Je sais, j'aurais dû le faire. » Mais il avait toujours espéré que Messie lui téléphone la première pour lui prouver qu'elle lui portait quelque intérêt. Comme il le regrettait à présent. Oh là là, ce chapitre était court mais intense. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour la suite. Je vous souhaite une très bonne nuit, mes chers boucons. Les gros bisous. La lecture du soir sur la radio des boucons. La bonne lecture. Pour s'endormir. Toute l'équipe de la radio des Boncons vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.